France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Alors, sous la lune et la grande voûte étoilée, ils chantent des chansons. Des chansons de cow-boys, évidemment. Mais qu'est-ce au juste qu'un cow-boy ? À quoi pouvait bien ressembler, vers la fin du XIXe siècle, un garçon vaché conduisant les troupeaux de pâturage en pâturage ? À Lucky Luke ? À James Stewart, Gary Cooper ou John Wayne ? À Tom Mix, Roy Rogers ou Ricky Nelson dans Rio Bravo ? À rien de tout cela, probablement. Probable non plus qu'il ne jouait pas du revolver ou de la Winchester 73 pour un oui ou pour un non. Dans les Nuits magnétiques, consacrées en 1980 à la fabuleuse épopée du Far West, nous partons à la rencontre des cow-boys, les vrais, qui étaient avant tout, on n'en sera pas surpris, des travailleurs. Troisième épisode, les cow-boys des plaines et ceux de Hollywood. Nuit magnétique, good evening. La fabuleuse épopée du Far West. Dans le western, le héros du Far West est un cavalier solitaire présenté au milieu d'un paysage sans limite. Il a le visage de Gary Cooper ou de John Wayne, et nous ne savons jamais exactement d'où il vient ni où il va. Il interrompt sa randonnée pour séjourner dans une petite ville ou dans un camp de la prairie. Cependant, bien que ne cherchant jamais querelle, il ne parvient jamais à trouver la tranquillité. On le défie, on l'insulte dans un bar, on lui vole son cheval. Il doit relever ce défi, même si l'affaire a toute chance de se terminer dans une effusion de sang. S'il est vainqueur, notre héros reprendra la route et se dirigera vers le coucher du soleil à l'ouest. Malheureusement, la véritable image du cowboy américain est bien différente de celle que nous montre le western. La grande épopée du cowboy américain n'a couvert qu'une seule génération. De la fin de la guerre de sécession à 1885, lorsque de mauvaises conditions atmosphériques, l'état d'épuisement des pâturages et la chute des cours du marché de bétail ont mis un terme à la liberté de cette vie devenue une partie de la mythologie du Far West. Thank you. c'est que le cowboy, c'est celui qui travaille avec, qui travaille auprès essentiellement d'un bétail bovin. C'est intéressant quand même qu'on ait érigé en mythe des bandes de garçons vachés quand même, parce que c'était ça. Laurence Harney. Sauf que bon, c'était des garçons vachés qui avaient beaucoup plus de travail que les vachers européens, dans la mesure où ils avaient quand même à convoyer des troupeaux énormes sur des distances conséquentes. Puisque tout le truc, c'était d'amener les vaches à un abattoir. Alors au début, carrément à Chicago, quand il n'y avait pas le chemin de fer, et après au chemin de fer le plus proche. Le bétail bovin a été importé par les Européens, en même temps qu'on détruisait le bétail qui se trouvait sur place et qui était les bisons. Élise Marienstrasse. Il gagne péniblement sa vie, $30 par mois. Il vit en selle du matin au soir. Il vit dans un baraquement. Là, il couche sur des chalits. Il est tout seul avec son maigre bagage et je vous assure que la vie sur le ranch ne devait pas être très commode. Jean-Louis Rieu-Perreux. Travail, mais au point de vue des rations. Cette catégorie de cow-boys, vous savez, c'était des gens, des tramps, souvent, des vagabonds qui étaient en... Il ne fallait pas avoir une grande formation professionnelle préalable pour être cow-boy. Et il va essayer de vivre au mieux. Il va travailler dur et dans les périodes évidemment de drive, c'est-à-dire ses conduites de troupeaux jusqu'au chemin de fer, ça va être l'enfer. Vous savez, c'est quelquefois 15-16 heures en selle, quelquefois des nuits sans dormir, avec tout ce que le cinéma nous a merveilleusement montré, en particulier des films, un film comme Cowboy de Delmer Debs, un film comme ce chef-d'œuvre du western qui est La rivière rouge de Howard Hawks avec John Wayne. Et ce nombre infini de films dans lesquels le vieux Wayne a traîné ses éperons et ses chaps. Bon, le cowboy, donc, ramenons-le à ses simples dimensions humaines. C'est celui qui vit dans la nature vierge, dans la pureté naturelle, avec naturellement en contrepoids la destruction. Et ça, évidemment, on ne le dit pas dans les westerns, ou alors on le montre comme un acte de nouveau d'héroïsme, en détruisant cette nature vierge. Est-ce qu'il avait vraiment cette psychologie que l'on attribue généralement au cowboy, qui est celle du courage, de la bravoure, de la virilité? Qu'est-ce que t'as? Tes nerfs flanchent? Allez, vas-y. Défends-toi. Parce que je vais te faire péter le crâne. Évidemment, le cowboy dans les westerns est montré comme un centaure. J'avais bien dit que je rencontrerais Gary Cooper, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas croire. Alors avant la seconde où j'ai commencé à le voir, comme un bateau qui arrive, il montait l'escalier, j'étais en haut, j'ai vu d'abord la tête, les épaules, puis lui. Et c'était effectivement Gary Cooper, et il était là, et il est maintenant de l'autre côté du micro. On l'a un petit peu orienté pour que ça puisse prendre sa voix, parce qu'il est aussi grand que vous le savez. Et comme il m'écoute parler français et qu'il ne comprend pas bien le français, il fait tout un jeu de physionomie qui serait absolument excellent pour la caméra. Mais vous allez l'entendre. Il y a longtemps que vous êtes à Paris, Gary Cooper. There is a long time you are in Paris. I've been in Paris about 4 weeks. Vous l'avez entendu, c'est sa voix, je vous assure. Il est à Paris depuis quelques semaines. Eh bien, je suis très contente que Gary Cooper ait bien voulu nous répondre. Je pense que la prochaine fois, il nous répondra en français. Next time, you will answer in French, no? I hope so. Alors, I hope so se dit je l'espère. Je l'espère. Je l'espère? Très bien. No. Continuez. Vous avez entendu, je crois vraiment, les débuts de Gary Cooper en français. Et c'est très agréable de voir que cet acteur aussi célèbre est en même temps aussi simple, aussi gentil. Je ne vous ai pas dit qu'il était en gris. Gris rayé blanc, c'est l'après-midi à Paris, avec une cravate qui n'est pas américaine, chaussures de crocodile, beau sourire, le sourire que vous connaissez, et son regard. Voilà, il a rectifié notre cravate parce qu'il a entendu le mot cravate. Un mot de plus. Thank you. avait forcément besoin de cette force, de cette virilité, mais c'est le mythe, à la fois l'idéologie qui a dominé au XIXe siècle, et puis ensuite ce qu'en a fait l'idéologie actuelle, qui ont exalté cet aspect de sa personne, et qui ainsi ont laissé passer toutes les bavures que comportait ce mythe de la virilité, c'est-à-dire essentiellement la violence qui est à la base de toute la conquête de l'Ouest. Come here. Mr. Tunstall! Put that down, Tom. Put down your gun. Now, lad, put down your hands. Put them down. Do you belong to Mr. Morton? Are you one of Morton's men? What's your name? Say your name, boy. Name's William Barney. What happened to your horse? Sickness. Pendant longtemps, on a cru que les cow-boys chantaient en travaillant. Michel Oriano. Les chansons de cow-boys, en général, il s'agit des chansons des cow-boys qui partaient du Texas, qui conduisaient des troupeaux de 5-6 000 bêtes jusqu'au Kansas ou même plus haut, enfin au Wyoming, etc., qui les emmenaient dans des gares, ça, l'histoire est bien connue. Et on pensait, il y a beaucoup de folkloristes qui disaient que ces chansons étaient chantées pendant le travail. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à faire des analyses essayant de prouver que les chansons de cow-boy étaient chantées au rythme du trot ou du galop. Alors ça, c'est totalement absurde. Enfin, je crois qu'il faut écarter ça tout de suite. Il suffit d'imaginer ce que faisait un cow-boy. Il suivait un troupeau de 5000 têtes, ce qui soulevait des nuages de poussière. C'était un pays extrêmement sec. C'était le désert américain. Il ne poussait que des cactus et de l'herbe courte, enfin short grass qu'on appelait, blue grass qu'on appelait. Comment est-ce qu'on peut imaginer des gens chanter dans ces nuages de poussière? Ils étaient même obligés de mettre un foulard sur leur nez. Et en outre, enfin, quiconque est monté sur un cheval réalise à quel point il serait difficile de chanter au trot ou au galop. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Enfin, ça, c'est une hypothèse à écarter. Par contre, il y a ce qu'on appelle les pastourelles nocturnes, les night herding songs, qui consistaient, le soir, quand le troupeau était au repos et dormait, qui consistaient à surveiller le repos. Vous aviez toujours un cow-boy qui prenait les cow-boys prenaient le quart les uns après les autres. Et le but, là, c'était surtout d'éviter que le troupeau ou qu'une bête ne prenne peur, ce qui aurait provoqué une panique. Ce qui était évidemment extrêmement dangereux. Les cow-boys avaient pour but, en chantant, de calmer le bétail. Alors, il s'agissait de chansons, par définition, étant donné leur fonction extrêmement calme, extrêmement douce. On a quelques enregistrements qui ont été faits sur le terrain à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle, qui montrent à quel point les gens chantaient doucement. As I walked out in the streets of I walked out in Laredo one day. I spied a young cowboy wrapped up in white linen, wrapped up in bright linen and cold as the clay. I see by your outfit that you are a cowboy. These words he did say as I boldly stepped by. Come sit down beside me and hear my sad story. In the breast and I know I'm a guy. It was once in the saddle I used to go dashing. Once in the saddle I used to go gay. Well, I first took to drinking and then to coffee. pretty ladies to sing me a song. Put a good bronc haggard on board of my coffin. Raise hell as you carry me along. Et alors, par la suite, évidemment, on a récupéré les chansons de cow-boy, dans la country music en particulier. Enfin, il y a tout un cow-boy du western, mais non seulement du film, mais également de la musique western, qui est un cow-boy de pacotille, qui est un cow-boy de cirque, dans lequel, alors, on a accentué les cris, on a accentué le côté braillard des cow-boys. Mais c'est pas comme ça qu'ils chantaient. Alors les sujets de leurs chansons, c'est également leurs conditions de travail. Là encore, quand on regarde les chansons authentiques, il faut évidemment, enfin là il y a un problème de corpus, enfin quand on travaille un peu sur les chansons, il faut évidemment élaguer, il faut essayer de déterminer lesquelles ont été chantées véritablement par les cow-boys et celles qui ont été écrites par des professionnels dans des journaux. Mais les chansons authentiques, dans leur grande majorité, relatent des conditions absolument effroyables, enfin très très éloignées de la mythification qui a été faite par la suite, en particulier par le cinéma. Bob, sors-toi de là. Dans la représentation mythique, on représente toujours le cow-boy avec un revolver. En réalité, si même les cow-boys avaient eu les moyens de se payer un revolver, ils ne l'avaient pas toujours. Ensuite, il fallait encore se payer des balles. Les balles étaient trop chères pour les cow-boys. Ils ne gagnaient pas suffisamment d'argent. There was blood on the saddle, there was blood on the ground. Big pools of blood laying there on the ground. Cowboy laying it, his head was all red. That poor boy laying it, that cowboy was dead. Oui, les cow-boys, c'est en gros 1865-1890. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. C'est 25 années. Or, pendant ces 25 années, le mythe lui-même a émergé dans l'Est. Et il y a eu une répercussion du mythe dans l'histoire elle-même, c'est-à-dire que les cow-boys se sont perçus eux-mêmes à travers leur propre mythe. Il y a eu une coexistence des deux. Et alors, le mythe du cavalier solitaire, il a pénétré, et les cow-boys se sont quelquefois perçus comme des cavaliers solitaires. Mais c'est absolument faux. Les cow-boys ont toujours travaillé en équipe. Jamais un cow-boy ne travaillait tout seul. Ce qui est peut-être plus vrai à dire, c'est que les cow-boys étaient isolés psychologiquement. I am just a lonesome cow. Boy, and I'm traveling all alone. I ain't even got a nickel to call my baby on the floor. Lonesome cowboy, I'm long, long way from home, and this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day's done, my horse and me keep riding. On a fait un mythe autour parce que c'était quand même des personnages importants. Quand ils débarquaient en ville, ça devait faire du bruit. S'ils n'avaient pas vu de demoiselles depuis des semaines, s'ils n'avaient pas bu une goutte d'alcool, et si en plus ils avaient leur paye, ça devait faire du bruit. Écoute-moi. Je parie un cigarillo que moi je peux te casser les chines avant que tu aies eu le temps de soulever ta ferraille. Ouais. Eh bien, monsieur Harlan a encore besoin de toi. Sinon, il y a longtemps que t'aurais pris quelques dragées dans le coffre. Je crois que le mythe du cow-boy, il a été créé, en fait, par le cinéma. Il date pas d'avant, le cinéma. Et c'est des personnages très hauts en couleur et très intéressants, je pense, à mettre en scène. Mais ça devait pas être du tout ce qu'on montre au cinéma. Je veux dire, ça devait être des mecs... Bon, encore des hommes rudes, sales... Parce qu'il ne devait pas pouvoir se laver très très souvent quand il circulait avec des troupeaux. Ça ne devait pas sentir très très bon dans leur quartier. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça fascinant que, bon, on n'a pas en Europe un folklore, je ne sais pas, des gardiens de moutons. Ah, la ville, c'est tôt que je vais arriver. Au saloon, bien sûr, je vais me précipiter. J'irai ensuite à mon hôtel prendre un bain. Je vous jure qu'il n'y a rien à l'hôtel pour vous remettre en train. Quand je serai bien lavé, rasé, parfumé, je redeviendrai presque un civilisé. Les Branctons, pour comprendre ça, il faut rappeler, enfin, à des auditeurs français... que le continent américain, c'est absolument gigantesque. On n'imagine jamais, enfin, les gens qui ne sont pas allés aux États-Unis, même s'ils ont vu au cinéma, même s'ils ont lu, on peut toujours faire un effort d'imagination, on n'imagine pas. C'est, quand on débarque aux États-Unis, on s'aperçoit qu'on a affaire à un pays qui est un continent. Alors, forcément, ça a eu une répercussion sur la culture de ces gens-là, et c'est ce qui explique en partie l'exagération chez les Américains. Les Américains, on sait, enfin, manient le superlatif, le overstatement, enfin, des choses comme ça. C'est toujours la plus grande ville, le plus haut gratte-ciel, le premier, etc. Et alors, le brag talk, ça consistait finalement à exagérer les choses. Le tall tale, enfin, pour donner deux ou trois exemples, on disait par exemple que la terre était si fertile en Floride qu'il suffisait de planter une graine, mais qu'il fallait tout de suite sauter sur le côté de peur de se faire empaler. Ou bien, mais alors ça c'est peut-être plus subtil, enfin c'est l'histoire de quelqu'un qui était si grand qu'il fallait qu'il prenne une échelle pour se raser. Oh, that poor fish. I'm sorry. I was born full-grown with 9 rows of jaw teeth and holes bored for more. Lorsque je suis né, j'étais déjà adulte, avec 9 rangées de dents et des trous tout prêts pour quelques autres. J'avais des éperons aux pieds et un fouet à la main, et quand ils ont ouvert la barrière, je suis arrivé monté sur une panthère et attrapant au lasso une baleine à longue corne. Des cow-boys, alors là, ça faisait partie du travail. Il s'agissait de rassembler le bétail. Alors il y avait un certain nombre de cris sur un certain timbre de voix qui permettaient de rabattre le bétail ou de l'appeler ou de le repousser. C'est ça la fonction des cris de cow-boy. C'était des cris d'ailleurs qui étaient assez peu modulés. On a beaucoup exagéré l'importance des cris par la suite parce que c'est au moment où le cow-boy est devenu un personnage de cirque au moment du rodéo. Le rodéo, c'est plus les vrais cow-boys. Et alors là, on a exagéré, on a repris le cirque parce que c'est spectaculaire. Cowboys and cowgirls, and burn the barn down, bareback riders, your horses are in the chutes. Cowboys! rodeo tire son origine des rassemblements de bétail qui ont eu lieu aux États-Unis au siècle dernier. Après un transport de bétail, les conducteurs de troupeaux se livraient à des compétitions amicales, dans le maniement du lasso, dans la lutte avec un jeune veau, dans la monte à cru de chevaux sauvages, les broncos, dans la monte de broncos sellés et dans la monte de taureaux. Dans l'épreuve du calf roping, le cavalier doit attraper le plus rapidement possible un petit veau au lasso et lui attacher trois pattes ensemble. Dès que le veau est pris au lasso, le cheval s'assoit littéralement en faisant un arrêt glissé. Ensuite, il recule pour maintenir la tension de la corde fixée à la corne de la selle. Dans l'épreuve du bronc riding, la monte des chevaux sauvages, on court des risques considérables. Le score est discerné par les juges sur base de l'adresse du cavalier et de la fugue du cheval. Pour augmenter celle-ci, le règlement stipule que le cheval doit être éperonné sur les épaules. Malheureusement pour cette épreuve, les chevaux sauvages n'existent plus sur les lieux mêmes de rodeo. Ainsi, les organisateurs ont truqué l'épreuve. Une sangle spéciale arrimée à l'arrière de la selle passe au niveau des parties génitales de l'animal et à chaque saut qu'il fait, lui inflige une secousse l'incitant à se débarrasser au plus vite de son cavalier. Et dès la chute du cavalier, un assistant à cheval vient faire sauter le bouclage de cette sangle et l'envoie le cheval se calmer immédiatement. C'est à cause de cette épreuve que le rodeo est interdit dans plusieurs États aux États-Unis. En novembre, un rodeo américain est venu à Paris planter son chapiteau à la porte Pantin. Il y avait des cowboys, des chevaux, des clowns et des chanteurs de country music. On a eu cet hiver à Paris un rodeo. J'étais un peu déçu parce que ça a été fait un peu par avec des petits moyens. Et voyez, là, voilà un exemple parfait des choses. C'est qu'on ne peut pas toucher au truc des Américains si on n'a pas les moyens des Américains. Si on monte un spectacle, si on monte un rodéo, il faut que ce soit un rodéo à l'américaine. Autrement, c'est le rodéo du pauvre. Hein, et ça, ça ne plaît pas au public. Du reste, ça n'a pas bien marché du tout. Hein. Quelquefois en France, le jeu dans le rodéo ne consiste pas à rester le plus longtemps sur le cheval ou sur le taureau, car nous verrons tout à l'heure le rodéo sur le taureau. Il consiste à répéter pendant 10 secondes et les juges attribuent des notes de 0 à 100. 50 pour le cheval ou pour le taureau, 50 pour le cavalier. Alors dès que la corde se tend, c'est que les hommes sont prêts à la demande du cowboy à lâcher la bête, vous voyez, sur la chute qu'on appelle, c'est quoi une chute? Sur la chute numéro 1, la corde est déjà tendue, ils sont aux ordres, non pas du starter, mais du commandant de service à la porte. Et dès qu'ils vont le demander, cette porte va s'ouvrir, c'est fait. Voilà, bon, on se voit maintenant. J'ai remis des bottes et un chapeau, je me suis déjà changé, j'ai enlevé ma tenue de scène, parce que tout à l'heure, on va s'occuper des animaux, des chevaux, on va les nourrir, etc. après le spectacle. Quand tout sera terminé, moi, je vais mettre des petites chaussures basses et je vais laisser mon chapeau au vestiaire. J'en ai pas besoin ici. Par contre, dans l'Ouest, aux États-Unis, j'en ai besoin, parce qu'à cause du vent, de la pluie, etc. Vous vous appelez Buck? Your name is Buck? Yes, ma'am. Yes. Where are you from? Farmington, New Mexico. And you're a professional cowboy? Yes, ma'am. Why do you do this? Ça fait partie de ma vie depuis mon enfance. C'est naturel. Tout le monde est cowboy. What's your specialty? Je monte des chevaux sauvages. And are you going to be a cowboy for all of your life, or je serai cowboy aussi longtemps que mes os tiendront. Je resterai toujours cowboy, même quand je serai trop vieux pour le rodeo. How old are you? 22. J'ai 22 ans. And in the States, you're part of the rodeo? Yes, ma'am. It's an le rodeo est un sport individuel. Aux États-Unis, je suis membre de l'association des cowboys professionnels du rodeo, qui compte plus de 4000 membres. What do you think of the fact that a cowboy has been elected president of the United States? Hey, I love it. I love it. Actuellement, c'est très à la mode d'être cowboy. What do you think of John Travolta as a cowboy? He's not a cowboy. He's a movie star. There's a difference. But Regan is a movie star. He's not a cowboy. Reagan a une culture plus orientée vers le western que Travolta. Travolta vient de la ville. Voilà la différence. Un des membres de notre orchestre a dit que tous les présidents devraient être cowboys. L'image du cowboy est honnête et très américaine, et je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas si Reagan est un vrai cowboy ou un cowboy de cinéma. I propose a toast to President of United States. United States. President. Thank you. No, please. Thank you. Please don't. Thank you very much. Mr. Chairman and Monsieur President, Madame, Governor and Mrs. Laxalt, Mayor Alioto, Mrs. Alioto, Excellencies, distinguished guests here at the head table, and you ladies and gentlemen, Monsieur le Président et Madame Pompidou, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à Californie, en particulier à San Francisco. Au nom de tous les Californiens, j'espère que votre visite vous laissera un agréable souvenir et que vous aurez ment fois l'occasion de revenir parmi nous. Thank you, Governor Reagan. Reagan, dans les westerns, incarnait très souvent le rôle du brave type, du copain sympa, prêt à se sacrifier pour le héros. Alain Raymond. Et c'est un peu ce brave type qu'on vient d'élire. Bon, qui se pose pas trop de questions et qui veut redonner sa grandeur à l'Amérique. Oui, mais il est particulièrement mauvais comme acteur, hein. Personnellement. C'est pas vraiment l'acteur professionnel. Reagan. Il y a une anecdote assez plaisante. Michel Bouju. C'est qu'en fait, c'est pas Humphrey Bogart qui devait jouer dans Casablanca, mais c'était Ronald Reagan. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si Ronald Reagan avait joué le rôle dans Casablanca, c'est Humphrey Bogart qui serait président des États-Unis, ce qui serait peut-être pas plus mal. Reagan n'a pas été un cowboy réellement. Il a joué le cowboy au cinéma et d'une façon vraiment très peu convaincante. Je pourrais presque aussi bien le jouer que lui. En effet, c'est sur les soi-disant valeurs du cowboy, c'est-à-dire les valeurs de l'Ouest, cette virilité, cet esprit conquérant des États-Unis. Alors ces valeurs qui sont présentées comme les valeurs du pionnier, les valeurs du conquérant, elles sont aujourd'hui reprises par des gens que l'on appelle des conservateurs. C'est par rapport à la société actuelle qu'ils sont des conservateurs. Ces gens reprennent une tradition qui a été d'abord celle de Andrew Jackson, qui, c'est un mythe également, mais Andrew Jackson, on pensait que, étant l'homme de l'Ouest, c'était donc le démocrate. Ensuite, c'est Theodore Roosevelt, qui est également le grand homme de l'Ouest, le ranchero, le grand chasseur, etc. Jackson, Roosevelt sont des hommes qui, pour cette conquête de l'Ouest, pour cet esprit pionnier, détruisent les Indiens et prônent la destruction des Indiens au nom de la civilisation conquérante, c'est-à-dire au nom de toutes les valeurs de l'impérialisme. On se trouve là, et il ne faut pas oublier que un Carter participe passablement lui aussi à ces valeurs-là, à ce mythe-là. On se trouve au cœur d'une idéologie qui est celle du nationalisme américain. Alors, le nationalisme américain, il y a des époques où il se fait progressiste, et c'est au nom des valeurs de progrès, des valeurs des droits de l'homme, qu'il manifeste qu'il exprime ce qu'on a appelé pendant un temps la destinée manifeste des États-Unis. Mais à d'autres époques, ces valeurs sont reprises par des hommes qui se fondent sur un passé pour prôner de nouveau la domination, je ne dirais pas du monde, puisque ce monde est maintenant partagé, mais la domination de la moitié du monde, disons, par les États-Unis. Nous allons, je ne sais pas. Was macht es jedoch, da ist der Weg. Поеду я, сам не знаю, когда прибуду, я отвечаю, с ночью знаю, ожидаю. Got a dream boy, got a song, make your wagon and come along. Where am I going? I don't know. When will I be there? I ain't certain. What will I get? I ain't equipped to say. But who gives a damn? Who gives a damn? Who gives a damn? We're on our way. Précisément se demander, mais dans le western, quel a été le Theodore Roosevelt du western? Eh bien, il y a une réponse, il y a un nom, c'est John Wayne. I'm gonna tell you something, Flacca, and I want you to listen tight. It may sound like I'm talking about me, but I'm not, I'm talking about you. As a matter of fact, I'm talking about all people everywhere. When I come down here to Texas, I was looking for something. I didn't know what. But it seems like you added up my life and I'd spend it all either stomping other men or, in some cases, getting stomped. Had me some money and had me some medals. But none of it seemed a lifetime worth the pain of the mother that bore me. It was like I was empty. Well, I'm not empty anymore. That's what's important. To feel useful in this old world. To hit a lick against what's wrong or to say a word for what's right, even though you get walloped for saying that word. Now, I may sound like a Bible beater yelling up a revival at a river crossing camp meeting, but that don't change the truth none. There's right and there's wrong. You gotta do one or the other. You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Passion pour John Wayne. Alexis Cruz. John Wayne, pour moi, c'est vraiment le géant. Hein. J'ai moins connu Gary Cooper, mais il avait peut-être un peu trop. Je crois que celui qui représente le mieux le cowboy, l'Ouest, c'est John Wayne. C'est vraiment par sa taille, par son... Ah, il est formidable. Formidable. Ah, oui. C'est un régal de le voir. Hein. Et ces gens-là montés à cheval, c'était un peu décevant, mais on les voit dans les films. Serge Holtz. De grands cavaliers extraordinaires, et quand ils vont monter avec eux, on était un peu surpris de s'apercevoir qu'ils n'avaient pas une grande technique. Qui par exemple? Bah, qui par exemple, c'est un peu difficile de dire, notamment Gary Cooper et Anthony Quinn n'étaient pas très à l'aise à cheval. Alors je pense que des gens comme John Wayne, c'est vraiment un très bon cavalier. Mais enfin, on n'a jamais donné quand même leur talent réellement ne résidait pas uniquement dans le cheval. Ils contrôlaient mal et puis on leur demandait pas grand-chose parce qu'immédiatement ils étaient doublés par un spécialiste. Les selles de cowboy sont très confortables, hein. Les selles américaines sont très confortables. Pour en sortir, il faut vraiment être mauvais. Hein. On s'appelle John Wayne. On voit 5 ou 6 ou même 10, on en a marre à la fin parce que c'est jamais lui qui meurt. Des mecs qui pouvaient chevaucher pendant des jours et des jours et des jours, ce qui a été d'ailleurs à l'origine de la monte américaine, qui est si décriée par les personnes qui montent à cheval de façon classique à l'anglaise, mais qui est une monte extraordinairement confortable et une monte de travail. Et c'est eux qui ont créé ces selles très hautes et très larges, et bon, où on pouvait quand même rester assis des jours entiers, parce qu'à la longue, ça fait quand même un peu mal. J'ignore la raison pour laquelle on fait les selles de cette manière, mais je trouve que c'est un instrument de torture, et mon postérieur n'y résistera certainement pas longtemps. Vous n'avez qu'à boucher ce trou. Bouchez-le avec quelque chose. Et débrouillez-vous pour qu'elle soit moins torturante. Je connais beaucoup de westerners français qui sont des gens fascinés par l'Ouest et tout ce qu'il représente, et qui s'habillent comme des gens de l'Ouest du 19e siècle, qui ont des armes, qui fabriquent leurs munitions avec de la poudre noire. Certains, des fois, ont des accidents, d'ailleurs. Et qui se réunissent pour vivre comme vivaient, pensent-ils, les gens de la campagne à cette époque. Alors ils font des square dance, les femmes se font des robes de cotonnade joyeuses et s'habillent exactement comme des paysans en fait américains du siècle dernier. Et c'est assez intéressant de les voir d'ailleurs parce que ils sont complètement dedans une fois qu'ils sont sortis de leur travail. Il n'y a que ça qui compte, c'est l'Ouest américain à une certaine époque. Enfin, l'idée qu'ils en font, je répète, parce que c'est important. Parce que l'idée qu'ils en font était, bon, amplement influencée par le cinéma et les livres. Mais ce sont des gens vraiment très, très intéressants. Il y a eu beaucoup de ranchs. Il y en a eu, je crois, jusqu'à 120, une certaine période, enfin, dans toute la France. Et ils sont disparus maintenant. Actuellement, il en existe quelques-uns autour de Paris, et ce sont, je pense, plutôt des gens qui veulent se changer d'air le week-end et qui pensent plutôt au déguisement qu'à la monte et à l'équitation américaine. Évidemment, ce qui est un peu gênant, c'est que tous ces gens voudraient revivre la vie de l'Ouest américain en 1850, tels qu'on les voit dans les films. Mais évidemment, c'est dommage de temps en temps qu'ils ne puissent pas apprendre réellement à monter à cheval avec une base sérieuse. Ce sont des gens qui rêvent. Bon, à partir du moment où les gens rêvent, il est difficile, de, par exemple dans le cheval, de les amener à des choses réelles. Disons qu'un westerner peut être quelqu'un qui a fait son service militaire, par exemple en Algérie. Mick Perret. Qui revient de son service militaire avec l'amour des armes, etc. Bon, mais, si vous voulez, on peut retrouver dans le western, disons, une forme de rêve qu'il a quitté. Mes amis avec leurs chapeaux et tout, bon ben je me crois pas associé à côté d'Annette dans l'Eure-et-Loir. Je peux me croire dans le Montana ou dans le Wyoming, sans problème. On rêve toujours un peu, mais si vous voulez, le cheval nous ramène toujours à la réalité. Il suffit qu'il y en ait un qui s'échappe, etc. Bon ben à ce moment-là, on fait le travail du cowboy, mais on le fait parce qu'il faut le faire. On est trop, si vous voulez, dans le problème pour rêver continuellement. Quand on arrive, tout le monde a plaisir à se retrouver, on discute de ce qu'on a fait dans la semaine, etc. Bon, là, et des ennuis, si vous voulez, qui sont arrivés avec les chevaux dans la semaine. Vous prenez Gilbert, par exemple, il est responsable d'une entreprise de nettoyage. Alan est cartographe. Vous avez Gérard. Gérard, lui, est ouvrier... ouvrier, menuisier, électricien. Vous avez James. James fait partie d'une entreprise de nettoyage où il est maîtreur. C'est moi le cowboy d'Aubervilliers. Mais mon chapeau, c'est un béret. Mon cheval c'est un Salex, j'aimerais qu'on m'appelle Tex, mais mon vrai nom ben c'est René. C'est moi le cowboy d'Aubervilliers, même que mes copains d'atelier, dès que j'ai le dos tourné, disent que je suis cinglé. Eux qui ne savent plus rêver. Il y a longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. I'm the cowboy from Aubervilliers. I am très connu, porte son béret. Mais je travaille chez Renault, c'est un sacré boulot pour un cowboy d'Aubervilliers. Je suis plus rapide que le grand Billy. Le grand Billy de Juvisy. Mais mon grand ennemi c'est Joe de Champigny. Un jour ce sera moi ou lui. Il y a longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. Dans mon ranch à Aubervilliers, si une fille pouvait m'aimer, on s'en irait à deux et on serait heureux dans les prairies d'Aubervilliers. Nous les cow-boys d'Aubervilliers. Moi, je suis personnellement institutrice. Ça n'a rien à voir avec le travail du cow-boy, mais enfin, les deux peuvent se concilier. J'amène ma classe tous les ans ici. Enfin, j'espère recommencer cette année. J'amène ma classe qui a l'occasion de monter à cheval pendant, disons, une demi-journée. Ils sont bien souvent très contents de connaître le ranch et ça les poursuit. Où êtes-vous, cow-boy de mon enfance, toujours vainqueur, plus fort que les méchants? À vos côtés, j'en ai fait des voyages sur des chevaux sauvages, dans mes rêves d'enfant. Pour les cow-boys, il n'y a plus de place, tout le Texas est maintenant conquis. Ils se sont recyclés dans les pétroles, fini les courses folles dans la grande prairie. La cour de mon école a rétréci, ou bien est-ce moi qui ai grandi? C'est vraiment très disparate. C'est ce qui est intéressant, justement, parce que des gens qui rêvent de la même chose, si vous voulez, ne sont pas sur le même plan au point de vue. Et tout ça s'accorde très bien. Parce qu'on parle plus de ses bottes que de son travail. Je suis acheté une guitare, un chapeau de cow-boy, car je voulais faire le petit mariole et jouer au playboy. J'ai tout plaqué, ma femme, mon chien, mon chat, mon canari, et je me suis fait passer pour un mec du Mississippi. C'est un beau costume, le costume de cow-boy. Et je parle de costume, je ne parle pas du blue jean et du cow-boy sale. Hein. Quand on veut faire un costume de cow-boy, on regarde dans les collections de cartes postales et de choses comme ça de Roy Rogers, c'est vraiment le cow-boy d'opérette. Et moi j'aimais bien Jenny Autry comme cow-boy. Il chantait aussi. Oui, oui, oui. Et c'était quand on jouait au cow-boy petit, moi j'étais toujours Jenny Autry. Hein. Et puis j'avais mon cousin, lui c'était Roy Rogers, il a été passionné de Roy Rogers. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. When do I come in, old timer? In this song, it don't matter, partner. Go ahead, sing. Their faces gone, their eyes were blurred, their shirts all wet with sweat. Don't be half sad, foolish boy. They're riding hard to catch the herd, but they ain't caught 'em yet. Get along, little doggies, 'cause you got to ride forever on that age up in the sky. On horses snorting fire, is that possible? How would I know? As they ride on here, they cry. This is a cowboy legend. Oi! Yippee-yay! Thank you. Marching home again, hooray, hooray. You make the guy who wrote this song pay and pay. Cause all we hear is Ghost Riders sung by Vaughn Monroe. I can do without his singing, but I wish I had his nose. Alors j'ai beaucoup de ranch, de gens qui commencent à faire un peu de céleri américaine, de céleri western, pour changer un peu de la céleri classique, c'est-à-dire la monte anglaise, etc. Et bon, ils viennent jusqu'à s'habiller complètement, c'est-à-dire en mettant le chaps ou des choses comme ça. Le chaps, c'est un pantalon en cuir qui se met au-dessus de son jean ou autre pantalon. Et puis, bon, ils prennent des bottes western et ils mettent des éperons western pour avoir justement tout le matériel adapté. Et ça là-bas ? Alors ça, ce sont des étuis à fusil. Hein. Alors vous avez différentes sortes, soit en cuir simple, soit en cuir repoussé. Hein. Et c'est un modèle pour Winchester. Et il y a des Winchester en France ? On en trouve chez certains armuriers, oui. Quand on est en cow-boy, quand on met le costume de cow-boy, on n'est plus la même chose. On est différent, on devient cow-boy. Hein? On essaye d'être comme eux. Hein? Presque si quelqu'un nous tape sur l'épaule, on se retourne et puis on lui donne un coup de poing. Vous voyez ? On se met vraiment dans la peau du personnage. Et je pense que tous les amateurs de cow-boy et de choses comme ça qui vivent, j'en connais moi en France, hein, qui vivent à la cow-boy toute leur vie, hein, ont les mêmes réactions, les mêmes réflexes. Hein. Le cowboy gardait presque constamment son lasso à portée de la main. Sur la piste, il le tenait prêt à le laisser voler vers la corne d'un fuyard rebelle ou à être utilisé pour tirer une vache ou un chariot. L'extrémité servait de fouet pour stimuler un cheval défaillant. Et pendant le round-up, le cowboy capturait au lasso les veaux et les bêtes égarées pour les conduire vers le fer à marquer. La plupart des cowboys passent une bonne part de leur loisir à s'exercer au lasso, raffinant leur adresse et s'essayant à des lancers de fantaisie. L'assaut, c'est-à-dire qu'on met un tonneau au milieu de la carrière, on lance le cheval sur le tonneau, vous voyez, en ferrant, on a sur le tonneau trois couleurs, et on doit ferrer le plus rapidement possible, c'est-à-dire avant que la corde descende sur le bas, c'est-à-dire qu'on doit en principe être dans le rouge, dans le blanc, le bleu c'est moins bien. L'intérêt c'est de prendre très rapidement, parce que c'est beaucoup plus difficile à prendre sur un tonneau que sur un veau. Le veau, vous le suivez et vous lancez votre lasso au moment où la prise est bonne. Tandis que sur un tonneau, vous passez et le tonneau reste. Ce qui fait qu'il ne faut pas le louper. Et vous devez ferrer en même temps pour éviter que vous voyez, s'il avait ferré un tout petit peu plus tard, la corde était dans le bleu. Et on doit laisser la corde tendue. C'est le principe du veau, si vous ferrez trop tard, le veau passe à travers le lasso, donc c'est fini. Quoi. Si la boucle est trop grande et que vous ferrez trop tard, le veau passe dans la boucle et la prise est manquée, bien entendu. Got a his tractor and he listens to the local news. He finds out where the bears are fighting while he's plowing through the country blues. He was a cowboy and he knew I loved him well. Cowboy secrets you never tell. No, there's nothing like the loving of a hard-driving cowboy man. He's got a tape deck in his tractor while he's plowing up his daddy's land. He's got more horse sense than I ever seen in any man. He was cowboy and he knew I loved him well. But cowboy secrets you never tell. No, there's nothing like the loving of a hard-driving cowboy man. On Saturday nights we go dancing in town, and all the boys will order up another round. In summertime we look forward to the rodeo. Saturday nights, we go to town, and all the boys will order up another round. When he rides saddle bronc, I wait to hear that whistle blow. He's got a tape deck in his tractor, I can hear him when he's coming home. Then he holds me in the rocking chair and sings me the love song. He was a cowboy and he knew I loved him well. A cowboy secret you never tell. No, there's nothing like the loving of a hard-riding cowboy man. No, there's nothing like the muscles of a hard-driving cowboy man. Thank you. Thank you. Les clubs hippiques du lasso remontent au début du siècle. Ils ont été créés en 1908 par M. Joe Hamann, qui a tourné un des premiers westerns en France, Arizona Bill, en 1907. Oui. J'ai appris avec quelques amis qui le pratiquaient, mes amis notamment qui étaient Henri Moretti, qui m'a donné les premiers principes, et un autre monsieur qui était camarguais, qui est Joseph Calais. Il y a le lasso de crinoline, qui est un jeu, comme disent les Mexicains, on fait des fleurs avec des lassos, et il y a le lasso de prise, qui est un lasso de travail. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne, on fait ça avec une corde qui peut être en manille, cuir, Nylon maintenant. Nylon maintenant, bien sûr, et on le fait tourner. C'est une corde qui tourne et qui prend une forme de cercle qu'on appelle crinoline. Alors on peut faire une crinoline extérieure, on peut faire une crinoline en se plaçant à l'intérieur, et on peut faire tourner le lasso soit horizontalement, soit verticalement. Et le papillon, c'est quoi? Le papillon, c'est un lasso vertical qui tourne dans un sens, à gauche et à droite, et change de sens à chaque fois qu'il passe devant vous. Parmi mes élèves, j'ai eu Joe Dassin, qui m'avait demandé de lui apprendre à faire du lasso, parce qu'il chantait une chanson où on parlait notamment de lasso. Alors on a eu Gloria Lasso, j'ai même eu Gary Cooper aussi, on lui a donné quelques principes de lasso de crinoline, Kier Douglas, Anthony Quinn ont un peu pratiqué avec moi et des camarades du club du lasso. Je vais vous dire une chose, c'est que l'année dernière est venu ici Irving Feld. Irving Feld, c'est le grand directeur de chez Barnum. Et il a vu mon numéro de foyer. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça aux États-Unis. C'était un beau compliment, hein? Ringling Brothers and Barnum and Bailey present Merle Evans and his circus concert band. La mise en scène. On ne peut pas faire pendant une heure du fouet, par exemple. Et en plus de ça, moi, j'ai par principe de faire les choses courtes. C'est-à-dire qu'on répète pendant un an, deux ans, trois ans, un numéro, par exemple, avec une multitude de trucs dedans. Arrivent les jours des débuts, où le numéro doit être présenté devant le public, et là, on donne un grand coup de balai et on fait une sélection des meilleurs trucs, et des trucs qui collent bien les uns derrière les autres. Alors j'utilise les fouets, on fait des trucs de lasso à deux avec mon frère. La chose que j'ai par rapport aux autres numéros de fouet que j'ai déjà vus, c'est que je fais tout avec la main gauche et la main droite. C'est-à-dire que je fais tout en double. Ces deux partenaires, qui est ma femme et ma sœur. Ou ma belle-sœur et ma sœur. Ou ma belle-sœur et ma femme. Il y a une multitude de choses, il y a même des petites choses que j'ai créées dedans. J'allume les allumettes, par exemple. Et je les éteins. Avec la main gauche et la main droite, toujours. Puis je coupe la cigarette. Le numéro de fouet a un impact extraordinaire. Auprès des grands, comme auprès des enfants. C'est là, justement, qui c'est très important. Et il y a très peu de numéros qui ont ce privilège. Le premier numéro que j'ai fait dans un cirque, c'était un numéro de cowboy. Et j'avais 8 ans. Voilà. Alors, on appelait ça le cirque des juniors. C'était avec mes petits cousins, mes frères et sœurs, et on avait monté un numéro d'une demi-heure qui englobait une multitude de choses. Il y avait même un numéro de chien qui rentrait. Les petits chiens étaient, c'était des fox terriers qui étaient dans une petite diligence que mon frère, qui avait à cette époque-là 5-6 ans, conduisait. Et puis il y avait des petits numéros de voltige, équestre. Il y avait des numéros de fouet, il y avait même un pas de deux à cheval que je faisais avec ma sœur Bella. Tout ce numéro faisait à peu près une demi-heure, il y avait plein de petites choses comme ça. Et puis j'ai continué à faire le cow-boy jusqu'à maintenant, parce que j'ai jamais arrêté de me servir des fouets et des lassos. Et en plus de ça, en dehors des autres numéros, j'aime beaucoup les fouets et les lassos, ça me passionne beaucoup. Quand on avait les hippodromes de 50 mètres, une année, on a décidé de faire l'attaque de la diligence, par exemple. Les Bouglione, par exemple, eux, on en fait énormément. Ils ont fait la Reine de la Sierra, ils ont fait David Crockett, ils ont fait Buffalo Bill. Mais dans la Reine de la Sierra, il y avait une chose extraordinaire, c'était le saut du cheval. Il y avait un cheval qui montait, ça se passait au Cirque d'Hiver, qui montait une rampe, qui montait presque à la coupole du Cirque d'Hiver. Et comme il y a une piste nautique au Cirque d'Hiver, vous savez, le plancher descend et là, l'eau arrive. Et le cheval plongeait de plus de 10 mètres avec l'Indien dessus. Hein? Et vous savez qui faisait l'Indien ? Achille Zavata. Thank you. On pense tout de suite à Buffalo Bill, bien sûr, puisque lui, ça a été un des premiers à créer ces grands spectacles, ces grands shows extraordinaires avec ses poursuites de diligence, ses indiens, ses cow-boys. C'est un homme de spectacle. Dans tous les autres grands chapiteaux français et même étrangers, on a essayé de faire un petit peu ce qu'a fait Buffalo Bill. Et la formule de Buffalo Bill était totalement différente. D'abord par son importance, c'est du grand, grand cirque. Hein? C'est du grand, grand cirque. We've ridden 20 miles today to see Sally Morgan and Sheriff Bob Wells get married. What a wild man you are, Bill! Wild enough to tame you. Oh, yeah? Yeah. Oh, cowboys are wild men, but oh, what a wild man, the wildest of cowboys can be. One girl can subdue him, and she'll will include him, and goodbye to him. Le phénomène le plus étonnant de la fin du siècle dernier en matière de spectacle fut certainement le cirque de l'Ouest sauvage de Buffalo Bill Cody. C'était l'Ouest transporté dans l'Est à domicile. On avait l'Ouest sur la prairie aux portes de la ville. Il était là dans cette arène de toile, ses gradins. Il était là avec toutes ses couleurs, avec tout son rythme, son dynamisme, son exotisme. Et bien entendu, ces exagérations, parce que rien n'était vrai. C'était déjà la transposition, la concrétisation de ce que les gens avaient lu dans ces petits livres à bon marché. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y avait dans son Wild West Show des Indiens, des Sioux, des vrais Sioux, lesquels étaient conduits par Luther Ousdebout. Et Ousdebout avait le plus grand mal à les faire jouer, parce que d'abord les Indiens n'ont pas le sens de l'heure, et puis d'autre part, certains buvaient déjà beaucoup, parce qu'ils étaient malheureux que leur pays soit complètement ravagé. C'était le cowboy, c'était l'indien, l'attaque de la diligence, le bandit, le bison, la galopade, l'action violente, tout cela bien rythmé selon les lois du spectacle de cirque. Et il faut évoquer ici la frêle silhouette de Henny Oakley, la reine du cirque, que nous avons vue précisément dans un excellent western de George Stevens, qui s'intitulait, je crois, Henny Get Your Gun, qui a été une opérette et qui est devenue un film. Mais enfin, c'était cela. C'était certainement le meilleur film sur le cirque de l'Ouest sauvage. Pour des millions de gens, l'Ouest, ça a été Buffalo Bill, et ça a été Buffalo Bill à cause de son cirque. Et non seulement pour des millions de gens en Amérique, mais en Europe, puisqu'on sait qu'il est revenu à plusieurs reprises en Europe, qu'en Angleterre, ça a été le triomphe, que ça a été la présentation à la reine Victoria, au prince de Galles, toute la cour anglaise se déplace, chose exceptionnelle. La reine elle-même va recevoir l'hommage de Buffalo Bill et des Indiens. À Paris, c'est encore le triomphe, partout. À Rome, Buffalo Bill, Cody reçu par le pape, etc. Vraiment, pour des millions de gens, l'Ouest, c'était ça. Et ce n'était que cela. Malheureusement, il y a eu bien des ennuis. D'abord, il y a eu les ennuis financiers, puis il y a eu les ennuis provoqués par les concurrents. Un nommé Pawnee Bill a monté un autre cirque de l'Ouest sauvage qui a disputé la vedette avec celui de Cody. Il y a eu ainsi des rivalités, des jalousies, et je crois que vers la fin de sa vie, Buffalo Bill n'a pas dû être quelqu'un de très reluisant. D'abord, c'était un très mauvais administrateur. Ensuite, il vieillissait, il buvait, ses forces diminuaient. Quand on lit son autobiographie, évidemment, on a une toute autre image de lui, mais ce n'est pas lui qui a écrit l'autobiographie. Et par conséquent, on peut se demander quelle est la part de vérité dans tout le personnage Cody. Film qui, je crois, a vraiment instauré un maillon manquant dans la chaîne du western, c'est le film d'Altman qui s'appelle Buffalo Bill et les Indiens. Alors, avec un titre pareil, les gens ont cru qu'ils allaient avoir une espèce de chevauchée fantastique, bon, relatant tous les exploits précisément de Buffalo Bill. Or, Altman, fidèle à sa réputation de dynamiteur des mythes, si je puis dire, cinématographique, ne s'est intéressé qu'à une seule chose. C'est la personnalité de Buffalo Bill en tant qu'homme de spectacle, construisant lui-même sa propre légende. Et tout le film se passe dans le Wild West Show, dans le cirque de Buffalo Bill, à l'occasion d'une représentation avec des Indiens. Buffalo Bill présentant une version complètement truquée d'un combat avec les Indiens. Et voilà qu'arrive, dans son show, pour y participer, un des chefs indiens qui a participé à cette bataille, qui sait très bien que c'est faux. Et qui veut en profiter pour dire la vérité. Mais en même temps que ce chef indien n'est pas idiot, il essaye de monnayer sa présence et s'instaure des rapports très ambigus et très bizarres entre Buffalo Bill et ce chef indien. Et ce film est vraiment passionnant parce que je crois que c'est le seul film dans l'histoire du western qui montre comment le western s'est constitué lui-même. Comment le western s'est constitué comme genre pour mentir, au fond, pour travestir la réalité de l'Ouest, pour en faire une légende et pour que le peuple américain ait une légende et un mythe. My mother's people came by ship and fought at Bunker Hill. My daddy lost a leg in France, I have his medal still. My brother served with Patton, I saw action in Algiers. Oh, we must be doing something right to last 200 years. I pray my sons won't go to war, but if they must, they must. I share our country's motto, and in God I place my trust. We may have had our ups and downs, our times of trials and fears, but we must be doing something right to last 200 years. Must be doing something right to last 200 years. I've lived through two depressions and seven dust bowl droughts, floods, locusts, and tornadoes, but I don't have any doubts. We're all a part of history. Why old glory waits to show how far we've come along till now, how far we've got to go. It's been hard work, but every time we get into a fix, let's think of what our children face in 2076. It's up to us to pave the way with our blood and sweat and tears, for we must be doing something right to last 200 years. We must be doing something right to last 200 years. We must be doing something right. Soir, quatrième épisode, les shérifs, les hors-la-loi et les durs à cuire. Pascal Dupont, Frédéric Joly, Michel Dupuis, Bernard Maître, Alain Pouget, Nuit Magnétique, Josette Collin, Pamela Titel, Good Night and Merry Christmas.